Quantas lágrimas chorei. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre invité spécial qui est donc Cassie. Bonjour Cassie. De notre classe. Bonjour Mathis, bonjour Lucie. Merci d'être venue. Merci d'être venue. Lucie qui est comme disait. Cassie qui est comme disait Lucie, pardon. Une déléguée de notre lycée et le délégué de notre classe. Donc on va essayer de te présenter un peu au début. Ok, alors du coup j'ai 17 ans, je suis en terminale STMG avec Mathis et Lucie. Et cette année j'ai été élue déléguée par ma classe. Eh bien voilà, notre déléguée qui nous représente à tous les conseils de classe. Heureusement que t'es là, hein. Et aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui se passe à l'école, Parcoursup. Tous les petits problèmes, ouais. Tous les petits... Le stress. Et tout ça. Donc Lucie va pouvoir nous répondre à nos questions, nous parler un peu plus de détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au numéro que tout le monde connaît. C'est ça. Et Lucie, c'est quel numéro? Alors, c'est 02-38-43-48-00. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Cassie, ou je vais me perdre dans vos prénoms. Cassie nous répondra. Ouais. Donc on continue en musique, Cassie, on va te faire découvrir un peu la musique portugaise quand même, parce qu'on est dans une radio portugaise. Allez. Mais aussi toute autre musique qu'on va écouter tout au long de cette émission. Donc Lucie, Cassie, nous allons parler un peu d'un premier thème qui sera Le rôle d'un délégué et les conseils de classe qui se passent tout au long de l'année. Donc comment j'ai été élue, c'est par vote, toute la classe a élu deux délégués avec ses suppléants. Et donc notre rôle c'est quoi? C'est de faire passer tous les messages de la classe, le faire remonter au professeur, au personnel, pour que les choses changent, mais même des choses négatives comme positives. Tout à fait, et ce que tu fais très très bien depuis le début de l'année. Heureusement, parce que on serait pas content. Oui, mais il y a certains profs quand même qui aiment bien nous titiller. Et on parlera d'un autre sujet du coup que après, vers 16h15, si ça te va. Parfait. On va parler un peu de Parcoursup. Ouais, qui vient de. Aidez-moi. Qui vient de finir il n'y a pas très longtemps. Qui a fini mercredi dernier, Lucie, quand on était tous les deux. Là, on attend déjà le 30 mai, je peux plus. Le 30 mai, on n'en peut plus du tout. Et on continue en musique avec, après cette musique, un titre de Bombo Cash. Tu connais? Non, pas du tout. Et tu la connais. Okay. Et pour la prochaine musique, nous avons une dédicace de Marie qui fait un bisou à tout le monde, à toute notre équipe. Donc il fait un bisou à Lucie, à Cassie et à moi-même. Donc on lui fait tous de gros bisous. Donc merci, on la remercie. Et pour ça, on va écouter Coco Loco de Maluma. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tenerte desespera y las ganas que tengo ya no. Te gusta cuando te canto a capela. Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela. Es que te rimo, lo bailamos, flufa, vela. Pégate un poco, que esto es a oco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es a oco. Con esa boquita me gana el baloto. Dos cervecitas, un coco loco. Un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancho, dale mambo. ¿Dónde tú me quisieras? dédicace, c'est de Céline et c'est Lucy in the Sky with Diamonds de Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. As you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Merci Céline pour cette musique, on la remercie et on lui fait des gros bisous. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Maintenant, nous allons parler de Parcoursup. Ouais, nous allons te laisser la voix pour nous expliquer déjà ce que c'est. Merci. Un peu Parcoursup. Alors, donc Parcoursup, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une plateforme qui a été créée par le ministère de l'Éducation nationale. En fait, ça permet de gérer nos vœux de formation pour l'enseignement supérieur français. Par exemple, en 2020, Parcoursup a géré plus de 936 000 étudiants. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc nous, on est passé par là, on attend nos résultats là. On est des petits pions sur le jeu d'échecs. C'est ça, malheureusement. Et du coup, comment s'est passé cette année Parcoursup? Bah, tout au long de l'année, on a dû s'informer. On a fait des immersions, on a fait des journées portes ouvertes. C'est hyper important de faire ça, les salons d'étudiants, etc., pour vraiment se découvrir plein de formations. Et voilà. On en a fait des nombreux ouais. Avec ça l'école. Ça peut être valorisé sur Parcoursup. Hein. Tout à fait. Mais bon, ça compte. Et Parcoursup, comment on s'inscrit déjà? Bah, comment on se connecte? Alors, donc, bah, déjà, il faut être en terminale, donc faut avoir toutes les conditions pour pouvoir se créer un dossier. Il faut être en terminale pour commencer, parce qu'après, on peut être, même si on n'est pas en terminale, ouais, on peut continuer. Ouais, il faut rentrer dans les formations supérieures. Et bah là, du coup, pour nous, c'est fermé. On a fini donc nos dossiers. Mmh. Et nous avons eu jusqu'au 3 avril pour terminer de compléter nos dossiers, nos profils, c'est ça? Ouais, nos lettres de motivation, etc. Ça fait tout pile une semaine. Non, pas vraiment une semaine, parce que ça a bugué. Ça a bugué, du coup, ça a été reprolongé au jeudi à 22h40. Vous savez qu'à l'heure où ça a bugué à 22h, j'y étais dessus. Ah bah, vraiment. Moi, je me suis dit, j'ai plus la tête à ça, mais du coup, j'ai vu sur TikTok, donc on a tous vu, les gens qui faisaient leurs vœux au dernier moment. Bon, je dis pas que je l'ai fait en temps et en heure, mais j'ai fini la veille. Ouais, il y a quand même un. J'ai fini le 2 et. Tu l'as risqué. Moi, j'étais à deux doigts de. Mes lettres étaient prêtes, c'est juste que j'avais oublié de cliquer et de tout mettre. C'est long à faire, bon, c'est très long. Et surtout de cliquer, on a un peu peur quand il y a écrit confirmé, vous ne pouvez plus annuler ce vœu. Je fais, ah ouais? Bon. Donc Parcoursup, c'est ça, comme nous explique Cassie, c'est un site du gouvernement pour savoir où allons-nous l'année prochaine. Ouais. Alors vous avez choisi quoi comme vœu? Je commence? Vas-y, commence. Okay. Et bah, j'ai deux premiers vœux, parce qu'en fait, je sais pas trop lequel choisir. Du coup, j'ai mis une classe préparatoire en commerce, donc ECT, à Voltaire. Et mon deuxième choix, en fait, les deux, ils se concurrencent un peu. C'est très compliqué. Si on accède dans les deux, je sais tous qu'on est. Enfin, en fait, je sais que je ferai une liste les pour et les contre, mais honnêtement, les deux formations, elles sont excellentes. Et du coup, la deuxième, c'est un BTS commerce international. Soit Sainte-Croix ou soit Jean-Zé, peu importe où il m'accepte, je m'en fiche. Mais du coup, bah, j'hésite un peu entre les deux. Enfin, je verrai si je suis acceptée déjà, mais j'hésite. Déjà savoir si on est accepté, mais je pense que. C'est ça surtout, il y a des grandes chances. Dans les deux, tu vas être accepté. Ouais. Commerce international, on n'est pas bilingue, nous. On sait jamais, mais quand même. Lucie parle très très bien anglais. Bon, faut pas me lancer des fleurs, arrêtez. Elle devient un peu rouge, là. Et toi, Cassie, du coup, notre cher délégué. Mon premier choix, c'est un BUT technique de commercialisation. On va se rejoindre. Ouais, voilà. Non, vraiment, j'en ai mis dans toute la France. Puis après, bah, pareil, une classe préparatoire à Voltaire. Et puis, voilà, on va voir. Hein. On verra si vous. Ce serait vraiment. Mais je pense excellent. Que vous êtes accepté. Ce serait incroyable. Si on est toutes les deux dans la prépa. Ouais. Oh là là. Et moi, donc, je serai aussi comme Cassie. J'ai demandé en TC, un peu partout dans la France aussi. Ouais. Et en communication pour choisir l'événementiel. Parce que oui, donc vous voulez partir dans ça, mais concrètement, dans quel domaine vous êtes? Parce que moi, je veux être dans l'événementiel, la musique, tout. Et toi? Alors moi, ça serait plutôt dans le commerce. Et enfin, si je suis un peu, j'espère rester dans les langues et m'approfondir au fur et à mesure, tout en restant dans le commerce. Enfin, en fait, ce qu'on fait en terminale, quoi. Donc. Juste approfondir plus. Avec une spécialité mercatique. Oui. Tout à fait. Bah, on parlera de ça au prochain sujet. On va se donner une heure aussi. On va essayer de la respecter déjà, parce que j'ai dit 15, il était 20 quand on a commencé. Mais attends, non, j'ai rien dit, hein, Mathis. Je n'avais pas eu l'heure. Mais du coup, on parlera de ça plus tard. Mm. Et toi, Cassie, du coup Moi, je suis plutôt dans le digital. Créer un site internet, faire des publicités surtout et les réseaux. Hein. Ouais. Les réseaux sociaux. Voir où ça me mène. Eh bien, merci à vos réponses. On va continuer. Et n'hésitez pas à nous appeler du coup au numéro que vous connaissez, tant pour savoir si vous avez des questions à poser à Cassie, comme un peu plus que nous. Nous, on est simple. Ou si vous avez des questions à nous poser à nous aussi, pour savoir nos avis. Donc, on va se dire une heure. Cassie, quelle heure tu veux? Je dirais 35. 35, pas de souci. Alors oui, on l'a pas dit au début avec Lucie, mais aujourd'hui, exceptionnellement, vu qu'on a une invitée, il n'y aura pas de chronique. Oui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour nos chroniques. Donc, ta chronique, Lucie, qui est... Les films et les séries. Les films et séries. Moi, qui est mon top 3. Comme ça, on t'explique un peu, Lucie, ce qui se passe aussi. Ouais. Donc, top 3, donc, soit un chanteur, soit un artiste.

35 07, si tu veux savoir, Lucassie. Je suis à l'heure. Très bien. Et donc nous allons parler maintenant du coup des filières qui nous sont proposées un peu déjà dans notre établissement, mais un peu partout aussi. Donc on va te laisser la parole. Alors donc toutes les filières, déjà en seconde, donc on a une seconde soit générale, donc on est au lycée Maurice Genevoix-Ingré. Donc on a en seconde une formation générale et une formation bac pro. Si, ouais. En première on a donc bac pro général et technologique et STI 2D. STI 2D, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et puis en terminale c'est les mêmes choses. Oui, on continue le parcours. Du coup nous sommes. Donc on est en STMG. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que oula. Qu'est-ce que la STMG? La STMG, donc, c'est un enseignement technologique. Donc, c'est assez différent de la générale. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. On parle vraiment de marques comme... On parle de plein de marques, etc., sur leur fonctionnement et comprendre comment ça fonctionne. Et puis, le bac aussi est différent. On n'a pas les mêmes épreuves. C'est quelque chose... Franchement, on est tous très intéressés. Et donc, le programme est trop bien. Tout à fait. On a des matières spécialisées dans la matière. Donc nous, on sera plus dans tout ce qui est management de l'entreprise, la gestion, la finance, le droit. Ouais. Et en fait, le droit. Ouais. L'économie aussi. L'économie qui est très très horrible, on va dire. Non, j'adore. Demain, hein. On vous êtes prêts pour demain? Ouais, on a un petit bac demain, donc courage pour nous. Donc on a ces matières-là. où on va apprendre tout ce qui est un peu les notions, etc. Donc pour nos études par la suite. Mmh. Et après, en général, il y a économie aussi. Ça s'appelle pas économie, ça s'appelle SES. Ouais. Il y a histoire, géopolitique, il y a SVT, physique, chimie. Tout ce qui est général, quoi. Tout ce qui est classique un peu. Donc nous, on est vraiment dans un domaine technologie, quoi. Et surtout que nous, on a pris la spécialité mercatique. Donc on est vraiment dans... Oui. Parce qu'on a un choix à faire cette année. Ouais. En terminale, le choix, on le fait en première, mais c'est pour l'année de terminale. Donc on avait le choix entre, pour SMJ en tout cas, entre soit marketing, on avait RH, gestion finance. Il y en a un dernier. Et système d'information. Et oui, c'est pas un environnemental un peu. Un truc comme ça, ouais. Donc on a quatre choix. Ben non, on en a que deux, non? Au lycée, oui, il y en a que deux. Mais je veux dire, en STMG, on en a plusieurs. Après, STUDD, on connaît pas nous, parce qu'on est tous des STMG. Mais c'est plus dans la mécanique un peu, STI2D? C'est l'environnement durable, créer des choses. Informatique aussi, je crois. Oui, c'est ça, déjà. Informatique, numérique, etc. Nous, on est plus dans les entreprises, quoi. Donc voilà, on va un peu présenter la STMG déjà, ouais. Un peu présenter les parcours que vous avez à faire en première, en seconde. Faut pas penser que la STMG c'est facile. C'est souvent les préjugés qu'il y a sur la STMG. Pour ceux qui travaillent pas, on les fout un peu en STMG, comment on va dire. Mais pas du tout. Pas du tout. On travaille tous les soirs. Faire du droit, les articles, l'économie, les graphiques et tout. Le chômage. On a passé notre année sur le chômage, en plus. Vraiment, la moitié de l'année, je pense que c'était sur le thème du chômage. Le commerce international qu'on vient de finir. Qui est horrible. Le management, mercat, je trouve que c'est facile un peu. Quoi. Oui, management et marketing, franchement, ça semble, c'est juste... C'est des euros. C'est du bon sens. Des euros, beaucoup. On fait beaucoup d'euros à présenter... Ouais. Sur c'est les publicités. Aussi, hein. Le TLV. D'ailleurs, les euros, c'est bien, ça nous aide pour notre éloquence aussi. Enfin, C'est pour ça qu'on est on va dire qu'on a de l'aisance un peu quand on parle maintenant un peu. Ouais, ça nous aide. Ça, dans des réunions. On aura de l'aisance. Donc voilà, merci Cassie. Avec plaisir. Donc on va se retrouver là, on va passer les 17h. Et on se retrouvera vers 17h10-5 pour parler d'un autre sujet qui est. On va parler de la pression scolaire. On va parler un peu de la pression scolaire, qu'on n'a pas du tout, nous, ici. Hein. Nous n'avons pas la pression, pas du tout. On l'a même pas demain non plus, pendant notre contrôle type bac. Non. Lucie, je suis pas du même avis. Non, demain, il y a un peu de stress quand même. Un peu de stress. Donc pour ça, on va mettre un peu de musique pour enlever le stress, on va dire. Ouais. Et on continue avec la musique que vous entendez là, déjà. Oui, elle est trop bien. Et c'est quoi? Ah, c'est troublant. Bonne question. On va faire un blind test avec vous un jour. Hein. Je vais pas me tromper. David Guetta, Titanium. Je n'allais pas dire ça du tout. Hein. Hey, I pop a number, girl, I'm not your number, baby. appelle le 02 38 43 48 00. Some days it's hard to see. If I was a fool, all you I think. Made it through the maze to find my one in a million. And now you're just a picture from the story I'm living. And all I gave you is dust. Tumble like it was dust. From SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side, east coast where you at, just got to New York like a net on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, to Quebec, to Ferg, tell them, lay back, slow down, better represent when we come to your town, then lay back, slow down, what you represent when we come to your town, say, getting with the business, I'ma be there in a minute. Book the Paris ticket, thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'ma win a Venice. LA got the people saying, la la la la la. Brooklyn saying, la la la la la. Austin saying, la la la la la. Vegas saying, la la la la la. Rio saying, la la la la la. Tokyo saying, la la la la la. Down under saying, la la la la la. Miami saying, la la la la la. Jamaica, every city, every state, every country, you know. All around the globe. to the everything fat, got muzzled on a track. My girls all stacked. When I roll down the window, let me know where you at. Atlanta, North South, Kekalak, Texas Grill, Cadillacs, through Miami, then back to London, Jamaica, then France. The whole damn world took effect to fart. Tell them, lay back, slow down. Better represent when we come to your town. Then lay back, slow down. What you represent when we come to your dance? Getting with the business when I come from Kansas City. Hit Manila till it's Christmas time to India. Visit Puerto Rico, it's exquisite. Bring my people back to Venice. LA got the people saying, la la la la la. Et pour la prochaine musique, nous avons une dédicace mystère. Donc c'est un auditeur qui a voulu faire une dédicace mystère. Donc la personne qui va recevoir cette dédicace va se reconnaître. Mais elle est poursuivie pour tout le monde. Il fait un gros bisou à toutes les personnes qui sont en train de se faire belle pour le bal qui arrive très prochainement. Le bal qui arrive quand, les filles ? Samedi soir. Samedi soir. Et toi, Lucie, tu es prête ? Pas trop, mais ça arrive. Donc, cette personne-là fait un coucou et un bisou à toutes les personnes qui se font belles, qui se font pouponner en ce moment pour samedi. Donc, pour ça, on va écouter une musique qui s'appelle Mad Love de Becky G, David Guetta et Sean Paul. Some of that love me know you put it up when the beat drop. For me, my baby, when your beat is a rap. Love the energy when your fingers come back. Queen, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you're hard, so you never yet stop. I know I see, but me want to attack. My eye, the punchy, precise and exact. Good love, girl, you're going too hard. Girl, you like some defense when I'm spreading it too apart. Bending it to a bar. Hey. Et à présent, nous allons passer à une musique qui est interprétée par Johan Down Mokeke. Ouh là là là là, j'arrive pas à le dire. Down Mokeke. Parce que c'est un groupe qu'elle adore. Et j'ai fait découvrir la semaine dernière à Lucie ce groupe-là. Est-ce que Lucie, tu t'en rappelles? Honnêtement? Non. Pas du tout. Eh bien, on va te le refaire réécouter et à toi-même te le faire découvrir, avec Cassie. Avec plaisir. Qui est le groupe Capanegra. T'inquiète. Donc, nous allons écouter une musique Nos de Capanegra. Et je la dédicace à ma maman. Mais do que um grande amor.

señora el capitán Yandel. Silencio. Soy yo que no paré de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se luz. Que baile conmigo, solo contigo. Hey, hey DJ, póngale la música. Et nous allons parler avec Cassie. Bon, alors, on t'a mis un peu d'ambiance, là? Ouais, là, c'est trop bien. On la voyait danser sur le bas-côté. Lucie, elle la voyait. Lucie, elle est au bout de sa vie, un peu à 30 ans. Mais là, je rigole. Je pense à l'écho demain, là, je pense au T-Pack, je stresse. Mais ça va, elle stresse pour rien, elle a toujours des 20. Mais justement. C'est faux, je sais pas. Elle a toujours des 15, des 16, toujours fait, des bonnes ça notes. Fait une très bonne transition. Voilà, voilà. Ouais. Donc, Lucie, nous allons... toujours pas. Cassie, ouais. Nous allons parler, du coup, comme tu nous avais dit tout à l'heure, de la pression scolaire. C'est quelque chose, même nous, on est confrontés à la pression scolaire. Mais tout le monde ne la gère pas de la même façon. Il y en a qui sont moins stressés que d'autres. C'est... La pression, ça peut être, par exemple, face à avoir les meilleures notes, ne pas décevoir nos parents, les meilleurs... Moi, je veux juste être la meilleure, c'est tout. Non, je rigole, c'est faux. Non, mais si, hein. Parcoursup, on l'a vu. Hein, Parcoursup, on l'a bien vu et on le voit désormais. Les gens, par exemple, une fille, la dernière, qui avait quand même 18 de moyenne, n'a réussi à ne pas se faire accepter de nulle part. Oui. Ouais. Donc, être le meilleur en tout, on ne sait pas, en fait, c'est quoi le mieux. Ouais. Donc, c'est ce qui nous fait une pression. Bah, là, Parcoursup, pour la majorité des personnes, je pense que c'est une pression scolaire, c'est une pression mentale. C'est toute une pression. Et vous la gérez? Oula. Comment dire que Lucie, on l'entend un peu à sa voix. Comment dire que je fais de l'eczéma, un petit peu, mais ça va. En fait, j'essaie de me dire qu'au pire des cas, dans tous les cas, je me suis donné les moyens cette année, donc si je suis pas acceptée, ça peut pas être de ma faute. J'aurais essayé dans tous les cas, et c'est la vie. Hein. Tout le monde croit en toi. Tout le monde, cette année, c'est... On l'a vu, les fiches de révision, ouais. Histoire. Vous parlez, mais vous aussi. Hein. T'es super fort. On a tous bossé. Ouais. On a tous travaillé. Comme dit madame, notre prof principal, qu'est-ce qu'elle dit déjà? On ramasse ce qu'on sème ou je ne sais plus quoi ce qu'elle m'a sorti. Je sais pas. Mais attends, je connais l'expression. Elle me sort toujours la même expression à chaque fois que je vais la voir. On récolte ce que l'on sème. Oui, c'est voilà, quelque chose c'est ça la phrase. Donc on verra ce qu'on a semé. Ou pas. Ou pas, comme on dit. Donc la pression, le stress. Il y a beaucoup de facteurs de stress. Il y a les notes, comme tu disais, le parcours d'après. Mais aussi un sujet qu'on va parler après, qui est le harcèlement, que beaucoup de jeunes ne reçoivent, mais qui ne savent pas comment gérer. C'est un sujet d'actualité, ça. C'est... Toujours d'actualité, malheureusement, qui fait parler beaucoup. Donc on va en parler après. Ça marche. On continue la musique? Ouais. Avec la musique Vagabundo. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na. Pásate la borrachera, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, dile que yo sigo soñando.

Au sol, sol, sol, sol. Au sol, sol, sol, sol. Avant de reparler un peu des cours, de la scolarité, on va faire un petit jeu avec vous, les filles. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, il me faut votre musique du moment. Votre musique qui vous fait danser, vous ambiancer. On va commencer par nos chères animatrices qui est arrivée il n'y a pas longtemps, Lucie. C'est moi. Donc, quelle est ta musique du moment? Alors, ma musique du moment que j'ai dû écouter au moins 15 fois cette semaine. Carrément. Vraiment, c'est Sigue de Morad et Benny Junior. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne suis pas certaine. Enfin, bref, je crois. Eh bien, on va écouter ta musique que tu as écoutée 15 fois dans la semaine. Et en plus, la semaine qui vient de commencer quand même. Oui. Qui a 3 jours. Donc, c'est-à-dire, on va dire 5 fois elle l'a écoutée dans la journée. Peut-être plus même. Quand j'y pense, elle est fan. Eh bien, on va écouter. Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestras piernas. La oscura sin la linterna. Sin llevar una vida tierna. Tú solo vives lo moderno. Tu vida es como un cuaderno. Nosotros los garabatos. Pasar el rato, hacer los tratos. Yo no suelo decir niñato. Porque el niñato que es en un rato. Y tú siempre supersticiando. Hablando raro de los novatos. Uno siempre ha sido bueno. Y para lo ajeno reparto plato. A veces sé lo malo. A veces se lo malo, a veces se lo malo. Dice, no soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y duro de teta. El que la sigue siempre la consigue. Es mi gozo que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Me verás yo siendo amigo del que es enemigo. La calle la ve dentro de un terrado. Por dentro estoy aterrado. Pero no puedo ni miro al lado. Este dinero yo lo he sudado. Mando récords en la misión. Castigado por tener ambición. El humo me nubla la visión. Con una vida como ficción. Soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mí despertar. En un infierno con demonios y ninguno me puede tocar. Soñaba con un futuro y nunca lo he podido yo ni lograr. Perdona solo a mi madre que conmigo tuvo pasar. No soy tú, a mí me gusta respeto y no la pinto siempre discreto. Criado yo con los traquetos, mírate tu actitud. Y no actúes como necio. Tu cabeza le pongo precio. Y tu vida yo te la desprecio. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y duro de teta. Sigue, siempre la consigue. Es mi gozo que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Es mi gozo que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. Et voici la musique de Lucie qu'elle a écoutée 15 fois cette semaine. C'est pas plus. Si ce n'est pas plus, comme elle dit. Et toi, Cassie, quelle est ta musique du moment? Alors moi, c'est Rich Baby Daddy de Drake. Une musique que Lucie, tu écoutes 15 fois aussi? Ah, en plus, j'aime bien Drake. Et SZA, j'aime bien aussi. C'est incroyable. Donc, nous allons écouter la musique du moment de notre chère invitée Cassie. Bend that ass over, let that coochie breathe. Shake that. nobody on it. Take a ride to me, ride to me. I still got some love deep inside of me. Please drag it out of me. You're just fine. Just might get that G-Wagon out of me. Please drag it out of me. Please drag it out. Rollie gang, patty gang, rich baby daddy gang. I'm with red like I'm at a Cincinnati game. Good bitch, tatter gang, for she tatter name. Real bitch, held me down for I had a name. Heard this money on my head, what is that to me? I put 100 bands on him, he put a rack on me. We from two different worlds, but it's a match to me. To bend it over, only time she turned her back on me. For real. Bend that ass over, let that coochie breathe. Shake that ass, bitch, hands on your knees. Cassie, qui était une très bonne musique douce et mouvante un peu. Donc maintenant, moi je n'ai pas de musique du monde. Bah si, mais elle est passée tout à l'heure par un auditeur qui était Mad Love de Becky G, que vous avez pu écouter déjà. Je ne sais pas si vous vous en rappelez du titre. Ouais. Mais du coup, c'est tout le G, Lucie. Mais il y a une musique tout à l'heure quand on est arrivé dans les studios. Je vous ai vu vous ambiancer dessus. Et je pense que vous ne la connaissez pas, ça c'est sûr. Ouais. Mais je vous ai vu vous ambiancer. Donc nous allons l'écouter, qui est une musique de Rue Bandera, qui s'appelle Fruto Prohibido. On écoute ? Allez, allez. Je t'ai vu, Lucie, danser tes hanches de suite à l'heure. Hein. Vejo um suspiro, não sei o que fazer. És tudo o que eu preciso para ser o homem mais feliz. Um olhar tão doce seduz-me e faz-me renascer. Essa mulher que eu sonho um dia ter sempre junto a mim. Faço tudo para te conquistar. a passar por mim, não sei o que dizer. Mas como eu queria que fosses minha, e te beijar. O corpo da sereia, minha alucina, faz-me perder. Essa mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais. Maintenant, je vais faire une dédicace à ma maman en écoutant Photographe de Ed Sheeran. On fait tous un bisou à sa maman. Des gros bisous. Des gros bisous. Et on te remercie, Cassie, d'être venue aujourd'hui. Donc, tu es notre invitée. Avec plaisir. C'était vraiment sympa. Très sympathique. Ouais. Et nous allons encore parler du harcèlement bientôt. Ouais. Donc, la dernière phase de ta présence. Donc, on la remercie déjà, mais on la remerciera tout à l'heure. De nous avoir tout expliqué. Et n'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, on ne sait jamais, pour Cassie. Ouais. Donc on va écouter la musique à dédicace à sa maman. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we.

portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai. Merci Lucie pour cette belle dédicace qu'elle fait à ses grands-parents. Merci de Lucie, de rien. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Intervention de notre invitée Cassie. Donc nous allons parler maintenant du harcèlement. Mm-hmm. Donc, tu peux déjà expliquer qu'est-ce que le harcèlement déjà un peu. Donc le harcèlement, c'est la répétition de propos et de comportements et en fait c'est un effet de dégradation sur les conditions de vie de la victime. Ça peut être donc sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée et c'est quelque chose qui sanctionnait l'harcèlement et ça peut être sous forme d'actes ou de propos, des menaces par téléphone, c'est il y a plein de types d'harcèlement, du cyberharcèlement aussi. Quelque chose qui est un peu inaccessible quand même parce que c'est quelque chose qui peut vraiment emmener des personnes loin, ouais. Loin. Donc c'est un sujet très sensible et en plus de la pression scolaire, en plus de si tu vas au lycée, t'as la boule au ventre parce que tu te fais harceler. Et on entend beaucoup d'histoires comme ça en ce moment. Oui, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, à la télé. Ouais. Mais rien qu'à la télé, on entend parler beaucoup. Même au lycée, on en connaît déjà un peu. Mmh. Alors rien que pour vous dire, enfin, je viens de tomber sur, en regardant sur mon téléphone, je viens de tomber sur une vidéo où C'était un jeune garçon qui avait été retrouvé mort dans son lycée, dans les toilettes de son lycée. Et on ne sait pas pourquoi il est mort, hein, mais au même moment, il était harcelé par des personnes. Juste parce que c'était sur sa sexualité, enfin, quelque chose de... Ouais. Quelque chose qui ne sert à rien, mais que les gens quand même... Ouais. Mais bon, on ne peut pas tout combattre, mais malheureusement, ça existe, et il faut le savoir. Et il faut se faire aider. Il y a des numéros à appeler, il y a... 3018, si vous... Cassie. Cassie connaît, 3018, elle connaît bien. Il y a en plus les profs à appeler aussi, les profs à contacter, si on ne veut pas en parler en parents. À nos amis, qui nos amis peuvent effectivement parler, etc. Mais après, c'est pas facile d'en parler, hein. Sujet sensible. Tout à fait, sujet sensible. Mais ça arrive et il faut le savoir, que c'est pas à l'abri de... Bah, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oui. Donc voilà, merci Lucie, Cassie. Jusqu'à la fin. Mais Cassie, Lucie, elles le même son. Donc merci Cassie pour cette belle présentation tout ce qui est scolaire. Donc nous avons appris aussi un peu. On savait un peu, mais on a appris quand même. Oui, c'était sympa. J'espère que à travers cette émission, il y a quelques personnes qui ont appris aussi. Mm. Donc on t'en remercie énormément. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Mais de rien. Donc on va continuer en musique. Donc il reste quelques musiques avant la fin de notre émission, car il est bientôt 18h. Et oui, malheureusement, c'est l'heure. C'est bientôt partir. Ouais. C'est bientôt la fin. Donc on continue en musique avec toi, Cassie. On va te dire au revoir et nous dirons au revoir par la suite. Ça marche. Ser poeta e cantor e conseguiu tudo. se touche à la fin. Donc on va dire une dernière fois au revoir et merci à Cassie, notre invitée. De rien. Et merci à vous, vraiment. De rien. Si la radio te plaît. C'était super. C'est le moment de venir. C'est le moment de venir. Ouais. De devenir adhérente. De venir quand ? Samedi. Samedi, il y a quoi ? Le bal. Le bal. Et tu sais qui vient ? J'avais le nom, je l'ai plus. Georges Ferreira. Voilà. Heureusement qu'il y a des affiches un peu partout. Hein. Donc oui, Georges Ferreira viendra avec ses musiciens samedi à partir de 21h à la salle Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Donc on vous y retrouve bientôt. On a hâte. Et n'hésitez pas à toujours réserver, car il y a encore temps, vos billets. Donc Cassie, on attend que tu réserves ton billet. Au 02 38 43 50 09, vous appelez de 9h à midi ou de 14h à 17h ou vous envoyez par email à la radio donc pour appeler, pour réserver vos billets pour ce temps étant attendu événement de la rencontre de Georges Ferreira et de José Balthazar qui viendra animer le début et fin de soirée. Donc ce bal qui est pour célébrer les 50 ans de la Révolution portugaise. Que nous avons préparé des petites animations, moi et Lucie et Lola. Donc, on espère t'y retrouver, Cassie. Moi aussi. Donc, on s'y retrouvera et vous pourrez tous découvrir pour la première fois Lucie, car ce sera la première fois qu'elle sera à un événement. Ben oui. Et ben, devant nombreuses personnes, j'ai hâte de te voir. Je ne me rappelle pas, Mathis. Elle panique un peu, Lucie. Mais tout va bien se passer. On vous prépare de nombreuses surprises. Lola prépare de très, très bonnes surprises, surtout. Que nous allons manger. Un petit indice manger. Donc on se dit à bientôt, Cassie. À bientôt. Et c'était un grand plaisir de te voir aujourd'hui. Et de nous avoir. Nous, tous les deux, on reste un peu pour la prochaine musique pour se dire au revoir en musique. Et on continue en musique pour toi. Tu peux rester avec nous pour écouter. Merci. Tour de vous dire au revoir, moi et Lucie. On va vous dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et à samedi, comme on l'a dit avec Cassie, donc on vous prépare comme de nombreuses surprises. Et on espère vous voir nombreux samedi. Donc on vous fait des très gros bisous. Bisous à Lola aussi. Bisous à Lola qui va bien. Bisous à Lola. Et on vous fait de nombreux bisous. Et à bientôt, à mercredi prochain aussi. Oui. Allez, ciao, ciao.